Il est 19h, pas tout à fait encore. Bienvenue sur Radio Mon Pays pour cette première émission de l'année. Bonne année. Bonne année à tout le monde. De Blood at Roots. Alors, on vous parle, mais on vérifie le retour. Bien, donc au programme ce soir dans Blood at Roots pour cette première de l'année 2023. Un petit tour du côté des différents des différents festivals de la région. En fait, l'idée c'est que c'est pas une période propice vu le temps glacial qui s'abat sur nos contrées. On s'est dit que c'était pas la période propice au festival. Donc du coup, vu que très souvent ça se déroule à partir du mois d'avril, mai, juin, juillet, et ben notre proposition, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir certains festivals de la région, des gros, très connus, comme des beaucoup moins connus. De vous en parler, alors pas vraiment dans le détail, parce qu'on ne les connaît pas forcément, mais au moins de vous parler du style de musique, de ce qu'il en est, et de sélectionner des artistes qui y sont passés. Avec une bonne, comment dire, grosse majorité jazz, mais pas que. Car comme on l'avait reçu il y a quelques années, l'Occitanie c'est une terre de jazz, nom d'un des festivals. Voilà pour l'idée de cette première émission. Donc on va quadriller un petit peu l'Occitanie, mais on ira plus large aussi, hein, c'est-à-dire qu'on ira aussi du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si vous attendez la douce musique, c'est toujours dans Blood at Roots. Vous avez tous reconnu Télé-News. Donc, comme je vous disais, l'idée de parcourir, de se balader entre les différents, pas tous bien sûr, c'est pas que ça, mais les festivals de la région, bon, bah, l'idée elle vient de Julien en fait. Hein. Alors on va arpenter les festivals estivaux, je tente. Festivals estivaux. De l'ancienne région Midi-Pyrénées. On va s'arrêter à l'ancienne région Midi-Pyrénées. On va faire un petit tour en train. On va aller. Ça fait plaisir. Fois. On verra. Mais ça sera pour un style de musique différent. Là, ce passage, en fait, alors on dit ça, mais il y a des festivals qui sont déroulés quand même dans ce cadre. Alors c'est plus côté cinéma ou autre. Il y a eu aussi le festival d'Amnesty International, où Radio Mon Pays a participé, ou certains des membres de Radio Mon Pays ont participé. Donc voilà, c'est pas parce qu'on vous parle des festivals en se disant oui, c'est pas la période des festivals qu'il n'y en a pas. Il y en a toujours, et tant mieux. Maintenant, concernant la musique, je laisse la main à Julien. Donc on part en Ariège, c'est ça pour le premier? On part en Ariège, on part à Foix. Foix, vous connaissez. Donc il y a un festival jazz. En 2023, ce sera la 22e édition, donc ça fait 22 ans qu'il est mis en place. Donc des artistes de renommée internationale, bien sûr. On va écouter quelques artistes qui sont passés les années précédentes dans ce festival jazz. On va commencer par Nicolas Gardel, donc c'est un Toulousain. Nicolas Gardel, un Toulousain, qui, lui, il est musicien, compositeur. Il se présente comme un sideman. Sideman Stéphane, ça te parle? Side, je sais pas, moi j'aurais dit un homme de côté. Un homme des ailes. Donc un sideman, j'ai recherché un peu parce que comme ouais, toi... Un frontman, ouais, à la limite, tu comprends musicalement, les frontman c'est ceux qui sont en première ligne. Mais... Ouais, j'ai cherché un peu et en fait un sideman, c'est un musicien professionnel dont les services sont requis pour enregistrer avec un groupe de musique. D'accord. Donc il n'est pas un membre permanent. En fait, il va tourner dans plusieurs groupes. C'est un studio, non? Je parle aux experts là, qui nous regardent. Là. Voilà, peut-être que... C'est ça, ouais. On a bon. On est validé. C'est ça. Il y a des sidemen très connus. Hein. Par exemple, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Pete Best, qui étaient sidemen de Tony Sheridan. Ça vous parle, de Tony Sheridan? Non. Avant de former le groupe Les Beatles. Donc voilà, c'est que... Ouais, t'as des mecs comme Manu Katché, tout ça, je pense que c'est à la batterie Manu Katché. Enfin, moi, je parle de lui parce que lui au jazz et tout, il me semble que lui, c'est typiquement musicien de studio qui tourne. Des fois, ils font des tournées avec des musiciens, enfin voilà, des groupes connus pour remplacement ou parce que le chanteur cherche, il faut le groupe et après ils vont tourner avec d'autres. C'est ça. Enfin, bref. Donc ils se complètent, ils apportent aussi des sonorités différentes par leur style de musique. Ok, donc c'est Nicolas Gardel. Nicolas Gardel, il est Toulouse. Ouais. Voilà, il a fait le conservatoire à Toulouse. Il a eu reçu le premier prix de trompette. À noter quand même. Et donc il a joué l'année dernière à Foix au Festival Jazz. Donc on va s'écouter un premier titre, on en reparlera après, de Nicolas Gardel, What is this thing called jazz? We'll be right back. Voilà, on vient de s'écouter Nicolas Gardel. Bon, vous avez apprécié. Ouais, ce qui est bien, Stéphane, c'est que t'as apprécié. Ouais, j'apprécie, ouais, comme je le disais hors antenne, ça me faisait penser un peu au Big Bang afro-cubain, notamment un fameux Chico Farri, là, qu'on a passé il y a très longtemps. Vraiment, ce style, ouais, c'est très bon. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu vas au festival de Foix, mais tu pars dans les Caraïbes. Exactement, quoi. Tu voyages. Exactement. Donc, ouais, Nicolas Gardel, pour finir sur lui. Bon, la grande trompettiste, pardon, de. Il a fait partie notamment de l'orchestre de Michel Legrand. Michel Legrand, c'est pas rien, ouais. Ouais. Et il a beaucoup tourné. Là, on présente un artiste qui a joué à Foix, au Festival Jazz à Foix, l'année dernière. Il a tourné à Marseille, bien sûr, à Vienne, au Montreux Jazz Festival, dont on parlera peut-être plus tard dans une autre émission. Voilà. Eh oui, c'est vrai, tu connais bien là-bas. Et du coup, on va passer maintenant, pareil, on va rester au Festival Jazz de Foix. On pourra quand même faire un peu de promotion. Vas-y. On va rappeler. Bon, bah oui, on va quand même annoncer les dates pour le Festival de Foix. Ils nous remercieront. Un peu de promo. Donc du lundi 24 au 29 juillet 2023. Donc le festival aura lieu à Foix. Donc prenez vos places. Maintenant, on va s'écouter Angelo Debar Trio. Donc, c'est un artiste issu de la communauté manouche. Donc, il débute à la batterie, puis à la guitare à l'âge de 8 ans. Il va commencer à pratiquer le jazz manouche. Donc, c'est un artiste qui a commencé en 84. Il a fondé son premier groupe. Et voilà, il a beaucoup tourné dans le monde. Il a été beaucoup influencé aussi, il l'a dit, par Django Reinhardt, Charlie Parker. Bon, c'est ce qu'on a déjà passé ici. Et qu'on repassera vu que en fait déjà le t'annonces déjà bon, tu peux. Ah bah oui si tu peux ça, on en début d'année tu peux. Que de toute façon dans un mois la prochaine émission sera dédiée au jazz manouche donc ça tombe très bien d'ailleurs à la limite si t'as d'autres morceaux oui. On en repassera tant qu'à faire et donc il a aussi joué dans des films le film sur Gainsbourg il fait une apparition ouais. D'accord ouais donc ouais, il a aussi été acteur il est aussi acteur. Donc on va s'écouter Angelo Debar Trio, Jazz Manouche, et on va s'écouter Marsalis, que vous connaissez, Winton Lerson Marsalis, qui a joué aussi un trompettiste américain. On va s'écouter deux sons, Angelo Debar et Marsalis. Thank you. We'll be right back. Écouter deux titres, Angelo de Bar Trio et Wynton Larson Marsalis. Marsalis, ouais. Alors, connu. Oh, bah, Marsalis, ouais, bien sûr. On va en parler un peu, vas-y. Ouais, pour revenir sur le côté jazz manouche ou manouche, il y a des petits faits. Quelques faits. C'est pas évident. Hein. J'essaye, mais c'est vraiment pas évident. Donc il y a un festival aussi à Mazères, on part entre l'Haute-Garonne et l'Ariège, qui est le Manouche Music Festival, pour le coup un petit coup de pub aussi, du 12 au 15 août 2023, donc là aussi le Manouche, hein. Et puis il y a aussi dans le Gers, le Welcome in Zigani, qui en principe se déroule, printemps-été, ouais. Welcome in Zigani. Donc ça, voilà, c'était pour continuer un petit tour des festivals de la région, quoi. On fait une petite promotion aussi, on passe du son des festivals, mais voilà, on fait une promotion sur les festivals 2023 en Occitanie, enfin ancienne région Midi-Pyrénées, parce qu'on reste quand même... Non, je dis, on est fait un tout petit tour en Nouvelle-Aquitaine. Ah, c'est vrai. On est à Marsan. On va pas aller à Montpellier, on va pas aller à Nîmes. Non, on reste, oui. Oui. Sur du proche, en fait, proche, oui. C'est ça. Effectivement, c'est une Midi-Pyrénées, quoi. Mais il y a de quoi faire. Donc pour, vous le connaissez, Wynton Marsalis, un trompettiste et compositeur américain. On peut quand même parler un peu de lui. Il est né à la Nouvelle-Orléans, un des berceaux du jazz. Le berceau, ouais. Et donc lui, c'est le premier artiste à recevoir un Grammy Award pour ses enregistrements de jazz. Et le premier jazzman à recevoir le prix Pulitzer de musique. Ils ont créé des prix Pulitzer de musique. Et c'est le premier jazzman à recevoir ça. Donc il a fait une trentaine de disques de jazz. Il a tourné dans le monde entier. Et du coup, il est venu à Foix pour ce festival jazz, on le rappelle, qui aura lieu en 2023, du 24 au 29 juillet, toute la semaine. Et en parlant de festival de jazz, il y a le festival de jazz d'Albi qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Oui. Comme quoi, ça tourne un peu. Tout à fait. Vous en avez aussi. On n'en parlera pas, oui, cette émission, mais tout à fait, le festival de jazz d'Albi. Et donc, du coup, ensuite, tu nous amènes où ? On va en Corrèze. Pas trop loin. On a quelques collègues qui habitent là-bas en plus. On avait fait une petite promo sur un festival en commun à l'époque. Oui, terre de jazz. Terre de jazz, ouais, tout à fait ouais. Là, c'est le festival Jazz in Comminges dans la ville de Saint-Gaudens. Donc, qui aura lieu cette année du 17 au 21 mai. Et donc là, on va s'écouter quelques artistes qui sont passés dans ce festival les années passées. Donc deux... En particulier, bon, un que vous connaissez très bien, Ibrahim Malouf et Marcus Miller. Marcus Miller, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un compositeur et bassiste de jazz fusion, donc né à Brooklyn. Il se définit lui-même comme un bassiste funk avec une immense connaissance du jazz. Donc il est multi-instrumentiste. Et voilà, il a fait pas mal de collaborations avec Miles Davis, qu'on connaît, et même il a travaillé sur l'album de Jean-Michel Jarre. Voilà, il avait une connexion déjà avec la France. Alors ça, j'ai pas cherché, mais techniquement, il se distingue par sa grande maîtrise des techniques complexes comme le slap. Ah bah le slap, c'est... Alors attends, parce que là je suis observé par les deux. Alors, ouais. Alors on vous explique le topo, c'est que nous, voilà, et dans le studio, donc à la technique, il y a deux musiciens. De faire une musique. Voilà, c'est eux les musiciens. Ouais. Alors le slap, je pense, c'est quand ils cognent avec le pouce, enfin tu vois, le mouvement du pouce, voilà. La basse, ils cognent et ça te donne un son. Alors je ne sais pas définir le son. Comment vous définiriez le son ? Ça slap, voilà. Ça slap. Bon. Et on avait passé un groupe, moi, je me rappelle, on avait passé une époque, un groupe, les Fishbones, un groupe ska fusion de Los Angeles, et ça m'a marqué parce que le concert, le mec, il avait fait que du slap sur une basse à 6 cordes, c'est énorme. Donc s'il en fait là sur ce morceau, bah vous verrez, on voit bien les sons de la basse qui tourne, et puis le slap, c'est vraiment, il cogne les cordes, quoi. D'accord. Mais vous m'avez appris quelque chose, parce que... Oui. Donc du coup, on va s'écouter deux titres, Marcus Miller, donc Toutou Revisited, avec en featuring, enfin en accompagnement, Christian Scott. Le titre c'est Hannibal. C'est qui c'est Hannibal? Merci beaucoup. Hannibal. Hannibal. Thank you very much. in the morning she cracks a whip and I crawl out of my bed. Cogs and the wheels of daylight, the children they must be fed. Kitchen don't bring no solace, sleep's dragging at my feet. Dragging the ball and chain now, it's daytime on Silvy Street. The coffee, it smells like tile, balls out like motor oil. My head is full of wires, short circuit in my soul. Well, there's some folk that greet the morning with wide open arms they meet. My footsteps they ring hollow, it's daytime on Silvy Street. Come on, doggy, won't you move your feet? Aight, to the Silvy Street, to its master's voice so sweet. A child, faces are stooped in mourning for the passage of simpler times. Well, the train screams its arrival, silence shattered at my feet. As beauty has found a rival, it's daytime on Silvy Street. Won't you move your feet? Aight, to the Silvy Street, to his master's voice so sweet. Aight, to the Silvy Street now. Come on, boy, you boys and girls. Aight, to the Silvy Street, to his master's voice. Aight. Écouter deux sons, Premier d'Ibrahim Malouf. Donc Ibrahim Malouf, très connu bien sûr, un artiste libanais, enfin trompettiste franco-libanais, également compositeur. Bon, il est très connu. Il est passé dans beaucoup de festivals en France, dans le monde entier. Et on s'est écouté également, le dernier son, c'est Hugh Coltman avec CV Street, qui est passé à Marciac, le festival Jazzy Marciac que tout le monde connaît. Ah, c'est le poids lourd, enfin un des poids lourds de la région, on peut dire. Il est connu mondialement. Avec un autre dont on va parler, ouais. C'est un festival qui a été créé en 1978, à l'initiative de poignée d'amateurs, et à la suite d'un concert de Bill Coleman. Donc c'est Bill Coleman qui a lancé, quand il a fait un concert, ce festival, qui dure 3 semaines. Et... de mi-juillet à mi-août. Et je suis toujours pas allé. Tu n'es toujours pas allé? Non, non c'est... ça c'est compliqué, je pense que les places il faut les prendre super avant, c'est tellement réputé au bout d'un moment que... Et c'est tellement réputé que pour l'instant la programmation n'est pas annoncée. En plus, c'est un de ces festivals au dernier moment, quoi. Pour 2023 que la programmation n'est pas annoncée. Tant mieux, c'est-à-dire que ça marche bien. Et puis il y en a plein d'autres, tu nous en as fait découvrir plein à côté, donc c'est bien aussi. Oui. On est pas... Pour parler un peu de Hugh Coleman, c'est un chanteur et un musicien anglais. Donc il a formé un groupe de blues rock à ses débuts, et ensuite il s'est établi à Paris. Il a lancé une carrière solo en 2004. Il a fait aussi quelques premières parties de Thomas Dutronc, à savoir. Donc voilà pour parler de lui. Il a... Thomas Dutronc, encore une fois, qui fait bon, qui est le fils d'eux, déjà, on le sait, et puis qui reviendra peut-être le mois prochain sur l'émission oui, Jazzmanouche. Mais bon, voilà, entre parenthèses, pardon Julien. C'est une année Jazzmanouche, quoi. C'est... Ouais, mais tu fais un bon teasing pour l'émission de février. Parfait, parfait. On est pas mal. Et donc maintenant, on va s'écouter un deuxième artiste qui est passé à Jazzy Marciac en 2022. On va s'écouter le live de Chili Gonzalez. Ça vous parle? Bon, je crois que ça me parle. Vas-y, dis-moi. Moi, je connais Speedy Gonzalez. Mais... Speedy Gonzalez, okay. Chili Gonzalez, c'est un pseudo qu'il a parce qu'il s'appelle Jason Charles Beck. Bon, c'est un compositeur et musicien canadien. Très connu. Hein. Ouais. Ouais. Du coup. Ben bah super, ouais. Du coup. Lui, il est auteur, compositeur, interprète. Et là, on va s'écouter un live. C'est celui-là, là, c'est le so-called party over there. Ouais. Ouais. Et je vous recommande de regarder la vidéo du live sur YouTube. On fait un peu de promo sur YouTube aussi. De Chili Gonzalez à Jazzy Marciac. En 2022. En 2022. C'est parti. Oh, spooky. Very, very spooky. Oh, there. So-called party over there. I could be a pimp and a hoe in the same rhyme. Strike, compose, and compose at the same time. Oh, yeah, so-called party over there. But I don't care, I'm in a hot pursuit of a hot pink suit. So what color is your parachute? Well, it seems to be green. You keep running through the bank machine. You keep flipping through a magazine. You should be flipping on a trampoline. Oh, yeah, so-called party over there. But I don't care, cause Lifestyle Magazine readership don't believe in shit. They need so much is cheesy, and that's for cheesy. But with the melodies like these, I'll make it easy, easy. So much is cheesy, and that's for cheesy. But with the melodies like these, I'll make it easy, easy. Try, but they might miss. I guess I'm laughing as I write this. Ha ha! Oh, say, well, I bust a boom when I croon for all the baboons, and I croon for all the buffoons, and I'll be the first to burn. if it is like Ozzy Osbourne. I was born to perform. Ozzy, I got political platform shoes. It means I must be higher than you. Cause every word I spew is a bird's house. Voilà, on va s'écouter Chili Gonzalez de son nom Jason Charles Beck. Donc il joue au piano. Jason Marsiak, faut s'imaginer. En pyjama, tu disais. En pyjama, quasiment en pyjama. Vous regarderez sur YouTube. Non, mais le pyjama, c'est pour faire transition avec ce que je présentais. Ok. Parce que bon. Question Franck, on s'en approchait un peu. Là, on va faire une petite parenthèse. On va où du coup? Et bah du coup, c'est là où... Nouvelle-Aquitaine. Ouais, on va... Enfin, il me semble, moi, je suis pas un expert en géographie, mais on va à Mont-de-Marsan. Donc dans donc le département vraiment frontière, mais des Pyrénées Atlantiques. Ouais. Non, des Landes, pardon. Des Landes, ouais. Et pardon. En fait, Mont-de-Marsan, parce que il y a une histoire où plus ou moins datée, comme c'est là où a eu lieu le premier festival punk français, voire mondial. Donc ça s'est passé en 76 dans les arènes de Mont-de-Marsan. Il n'y a pas de la corrida. C'était un peu ça en fait. il se faisait de l'autocorrida. Mais donc c'est le 26 août 76, à partir de midi à 3h du matin, il y avait 1500 personnes, pas beaucoup plus quoi. Alors c'est un festival qui a vécu 76-77, après qui s'est interrompu, qui a repris en 86 et bon après qui est mort de sa douce mort. L'important, c'est que c'était un des premiers festivals punk, mais il y avait quand même des têtes d'affiche, comme vous allez voir. On va commencer par deux morceaux. On va mixer, parce que c'était à la fois punk, et alors il y avait le côté punk, on dira anglo-saxon, et côté français, c'était plus des groupes de rock français, contrairement à ce qu'on peut penser. Fin des années 70, il n'y avait pas que Téléphone, en fait, en rock français, loin de là. Alors, côté punk, les Sex Pistols ont refusé d'y participer. En fait, ils voulaient pas partager l'affiche avec un autre groupe totalement obscur. Hein. Je connais pas, qui s'appelait Eddie and the Hot Rods. Et en 76, Ian Curtis, pour ceux à qui ça parle, c'est-à-dire le chanteur feu Ian Curtis, le chanteur de Joy Division, était venu assister au concert. Il fait le déplacement, non pas pour jouer, hein, pour assister au concert, à ce concert-là. Donc en 76, on va écouter deux morceaux. Un morceau d'un groupe punk anglo-saxon. Un des grands groupes punk anglo-saxons, The Damned, avec Love Song. Et un des grands groupes rock français des années 70, qu'on a tendance à oublier, qui s'appelait Bijoux, qui vont chanter Les Papillons Noirs. Feu! We'll be right back. chagrins se crient de tout son cœur. On aimerait que disparaissent de jamais les papillons noirs, les papillons noirs, les papillons noirs. Les autres filles te séduisent de mille feux. De bijoux avec avec Pierre Julien. Et oui. Alors, et on disait que c'était un groupe qui avait son petit bout de notoriété. Ouais. Quoi. Enfin, bah oui, non, mais ce que je veux, c'est qu'on a tendance à penser que de façon 10, le rock français, c'était Téléphone, voire Star Shooter, mais non, il y avait d'autres. Il y a même des artistes dont je tairai le nom qui disaient que le rock français, c'était un peu comme le vin anglais. Quoi. Ouais, alors que non, il y avait des bons trucs. Notamment un autre groupe qu'un jour je passerai qui s'appelle Les Dogs. Mais eux, ils chantaient en anglais, donc forcément, on a tendance à les prendre pour des anglais. S'ils avaient un bon accent. Mieux que le mien, j'ai bien noté. Le lien avec le pyjama, par rapport à ce qu'on disait, on a quand même checké tout ça. Les Damned, membre fondateur, un des membres fondateurs, qui est Captain Sensible, qui a fait une chanson, c'est Captain Seawoats, dans les années 80, je pense. Et pour le coup, lui, il était en pyjama et béret rouge, ce qui est pas très loin du sud-ouest et de Mont-Marsan. La boucle est bouclée, deuxième année du festival en 77. Là, il y a un peu plus de monde, 4000 personnes dans les arènes, ça dure deux jours. Il commence à y avoir du lourd, enfin il y avait déjà du lourd, mais du lourd qui arrive. On va écouter deux groupes qui sont passés. Un très peu connu, qu'on a très peu passé, qui s'appelle The Clash. Et un autre très peu connu aussi. On ne connaît pas. Non, j'ai senti une pointe d'ironie. Une petite pointe d'ici à Saint-Julien. Et un autre très peu connu aussi, The Police. Et à cette époque-là, c'est vraiment la première formation de Police avec, avec à la place de Summer à la guitare, Henri Padovani, le Corse de Police. Donc, mais Sting vraiment, était là. Sting était déjà là, ouais. Et Copland, le batteur, c'est Copland, oui. Était déjà là. Mais à la guitare, c'était donc Henri Padovani et non pas Summer. Donc on écoute, eh ben, on va écouter Carry Opportunity des Clash. Et puis pareil pour lui, là, l'intéressant, c'est que c'est enregistré au festival. Donc vous nous excusez pour le son. Mais c'est deux morceaux, celui des Clash et de Police, qui viennent tout droit des arènes de Mont-de-Marsan en 1977. We're so far with the US, I Voilà, alors petit rectificatif sur le nom de la chanson. Alors des Clash, c'était pas le Carré Opportuniste, c'était le I'm So Bored with the USA. Si vous avez reconnu, parce que le son était un peu était roots en fait, hein, donc dans Blue Dirt Roots. C'est saturé. Ça fait pas mal, ouais, mais c'est du vrai bon son. 20h15, Blue Dirt Roots qui vous fait voyager pas très loin, mais si un peu quand même. Entre les différents festivals de jazz. Mont-de-Marsan, c'est quoi, 200 km Mont-de-Marsan, ouais, je sais pas, je m'en rends pas tellement compte. Mais là, on avait vu ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Oui, mais c'est déjà une frontière parce qu'on passe côté. Pour un week-end, on y va. Ouais. Et du coup, là, on retourne. Bah, quel côté on reste à l'ouest de la région ou pas? Alors, bonsoir Stéphane, bonsoir Jean. Bon, bonsoir, vous m'avez entendu dire quelques conneries déjà. Voilà. Mais ouais, bah, et là, on tu est dire toujours plein, du coup. Un peu moins. Quand un même. Peu moins. Okay. Mais on est à l'est de Toulouse, du côté d'Albi, pour le festival Pause Guitare, qui se déroulera, qui se déroule en général au début juillet, et puis là, qui aura lieu cette année du 4 au 9 juillet 2023. Bon. À l'affiche, il y aura Indochine, Chaka Ponk, Ibrahim Malouf, dont tu parlais tout à l'heure, Julien. Il y aura Michel Polnareff, ah bon star déchu puis ressuscité des années 60-70. il y aura pas les Clash. Par contre, il y aura Big Flo et Oli, dans le même ordre d'idées. Qui ont monté un festival, le Festival Rose, il n'y a pas trop longtemps. Exactement, hein, Donc à Paris Festival. Il y aura les Queen of the Stone Age, il y aura Billy Gibbons des ZZ Top, que vous connaissez certainement, le blues rock texan, mais je vais vous pas parler de... C'est le barbu, non ? Ouais, c'est le gros barbu qui joue dans Retour vers le futur 3, tu sais, au moment où sur la fête, d'ailleurs, sur la place du village, quand Marty il sort du bar où Doc il s'est envoyé un shot d'alcool beaucoup trop fort pour en fait, lui. Bon, il faut savoir que c'est un peu le film culte de Blue Dirt Roots, Retour vers le futur. Retour vers le futur, ouais, absolument, ouais. Mais là, du coup, là, on va aller vers le futur en juillet 2023. Et je vais pas vous parler de ces groupes-là. Par contre, il y aura d'autres groupes à l'affiche. Et notamment, moi, j'ai choisi de vous présenter Coach Party, donc, qui est à l'affiche de cette édition 2023 du festival. Et donc Coach Party, donc c'est du bon gros rock, presque un peu punk, je dirais. Et avec Shit TV, de leur album Nothing Is Real. Et puis après, on va écouter certainement Deluxe, qui est un peu plus pop. Bon, j'ai trouvé que c'était vachement inventif, notamment sur un des clips que j'ai regardé, mais c'est pas celui-ci, et le titre s'appelle My World. Ça, ils vont pas le voir le clip, entre nous. Voilà. Mais, par contre, ce que je veux dire, Shit TV, je parle mal anglais, mais je comprends ce que ça veut dire. Ouais, bah, Shit et TV, je pense que ça va, tout ouais. Le monde l'a. Donc Coach Party, Shit TV et Deluxe, My World, pour le festival Pause Guitare Albi, qui aura lieu du 4 au 9 juillet 2023. Que vous pourrez aller certainement déguster à cette occasion. That you haven't already got. Try and get another go. You know I'd love to watch. getting through winter is taking forever, trying to figure which one of your breath or toast. Now yeast, maybe it's chipper, maybe the eels left dreams on my tongue. Sick little bird, I think I heard soiling a number with top on. Coach Party, Shit TV et puis Deluxe My World que vous pourrez voir au Pause Guitare d'Albi du 4 au 9 juillet 2023 avec Indochine, Chaka Ponk, Klom Pali, Brahim Malouf, Polnarev, Big Flo et Oli, Kali, Queen of the Snake, voilà, bon, donc, bref, toute la liste. Est-ce qu'Indochine va jouer à Perpignan ou pas? Ah, ça, non. J'en sais rien. J'ai pas regardé. Ils ont décalé. Je me demande s'ils ont pas fait tout pour décaler. Enfin, j'ai pas suivi la fin, mais des questions qui redécalent le truc. C'est ça. On part un petit peu plus loin dans la même direction à Limoux pour le Limoux Brass Festival qui aura lieu du 27 avril au 1er mai. Et ce sera les 15 ans du festival d'ailleurs à cette occasion. Et vous pourriez écouter le Vintage Orchestra avec Fabien Marie qui nous jouera certainement Too Short de leur album Too Short, publié en juin 2021. On est sur de la musique de big band, de jazz big band swing à l'ancienne. Et certainement qu'on pourra écouter, si on a le temps, les Sleepers Underground, qui est plus côté jazz fusion, avec leur morceau Puck, P-U-C-K, le Vintage Orchestra et Fabien Marie. Et les Sleepers Underground, c'est tout de suite sur Blue Dat Roots. Thank you. Il est 20h40, Blue Dot Roots, périple des festivals occitans et un peu plus, mais surtout occitans, voire midi-pyrénéens. On continue encore pour une petite vingtaine de minutes. On va repasser à un des gros festivals. On a vu qu'il y avait Marciac, on a parlé... On retourne dans le Gers. Et on retourne dans le Gers pour un autre gros poids lourd, on va dire un autre poids lourd des festivals. Vic-Sansac, ouais. Dans le Gers, Tempo Latino, qui aura lieu cette année le 27, 28, 29, 30 juillet. Donc un gros week-end. Dans des arènes, encore, enfin, très souvent. C'est ça. C'est off, mais c'est des arènes. Ouais. Et cette année, en plus, ils fêtent leurs 20 ans. Donc grosse programmation annoncée. Donc c'est un festival de musique latine et afro-cubaine, l'un des plus gros en Europe. Même le premier en Europe. Et donc voilà. Et donc un super festival. Comme musique ensoleillante, avec deux artistes, un peu. Une connue, Calypso Rose. Vous connaissez ? Ouais. Alors globalement, il y a eu du monde qui est passé, hein, parce que là, ce qu'on écoutait, c'est Calypso Rose. Manu Chao y est passé, enfin, est passé là-bas. On a eu les pointures jazz, Tito Puente. C'est une chanteuse de Trinidad et Tobago. Il y a eu Tito Puente de Porto Rico qui est passé, Israel Cachao Lopez cubain. Enfin bon, c'est vraiment le gros festival. En fait, c'est pour danser, faire la salsa. Et pour se réchauffer. Ouais. Ça danse beaucoup, hein, dans ce festival. Il y a pas mal de jazz aussi, de jazz un peu rythmé. Bon, pour parler de Calypso Rose, vous connaissez bien sûr une artiste née dans les années 40. Elle a écrit plus de 800 chansons, écrit plus de 20 albums. Donc c'est quand même une grosse artiste avec une grosse carrière. Et un autre groupe qui me tient à cœur, je les ai vus en concert à Bordeaux, pour ça que j'en parle, Soul Jazz Orchestra. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais je vais nous faire découvrir. Voilà, donc on va s'écouter deux sons, Calypso Rose, avec Far From Home et Soul Jazz Orchestra, Mr. President. I got five. Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears. Voilà, c'était donc deux extraits du festival Tempo Latino. Tempo Latino dans le Gers, Vic Fezensac. Il est 53, on a le temps de faire un petit tour. Alors là, Tarbes Vilcher à notre technicien, bien sûr. Pas du tout, nous dit-il. Je croyais. Bref, Tarbes pour un festival. De cœur maintenant. Bon, alors on reste en Amérique du Sud en fait. Ben, c'est plus trop salsa, c'est quel festival, Julien ? Alors on est sur Tarbes en tango. Tarbes, la ville de Tarbes, en tango, le tango, le style de musique, la danse d'ailleurs, parce que c'est pas que de la musique, c'est de la danse aussi le tango. De Carlos Gardel, toulousain. Et donc, oui, t'en parlais un peu plus tôt dans l'émission, effectivement, Julien, ouais. Et ce Tarbes en tango qui aura lieu à la mi-août 2023, alors il n'y a pas encore la programmation qui est prête, mais par contre, et vu le temps qui nous reste, je vous propose d'écouter le Quintetto Bel Tango, avec son titre Les Balkans Milonga Loga. Alors, à savoir que Tarbes en tango, c'est organisé depuis 98, ça dure 9 jours, donc c'est quand même déjà un festival assez long, et puis qui réunit des grands maîtres du tango argentin, que ce soit des musiciens, des danseurs, et puis éventuellement des ateliers autour de la culture argentine. Et donc... Mais c'est quand c'est au niveau de la mi-août, en général. Okay. Alors j'espère que ça aura lieu cette année, parce que j'ai pas encore vu d'infos sur internet, mais toujours est-il que on va quand même s'écouter un groupe qui s'est produit en 2022 à l'occasion de ce festival, le Quintetto Bel Tango, comme je l'ai déjà dit. Et avec son titre Balkan Milonga Loca, et puis je pense que ça va être vraisemblablement le dernier titre de cette émission de Blues Atroce autour des festivals. Ouais, donc on clôture en remerciant Julien pour l'idée, pour la playlist, pour... On va pouvoir clôturer sur la musique, on écoute, ouais. et puis à la fin on baisse un peu le son et on parle. Pour expliquer ce qui peut être important. On parle à la fin. Ou on sera coupé. Quintetto Bel Tango, feu.